enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrice, mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur, c'est dans vos mains. Enfants de tout pays, bonjour, vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Yves à la technique, Daniel en votre compagnie pour vous présenter Patchwork à l'écoute des musiques du monde. La programmation d'aujourd'hui comprend du zouk, comme de bien entendu, un voyage musical au Japon, une balade, une promenade autour du mot cerisier. Ben pourquoi cerisier ? Parce que je me souviens d'avoir peint un tableau qui évoquait la floraison des cerisiers sur fond de Fujiyama. Alors pour moi maintenant, Japon égale cerisier. Et puis trois coups de chapeau à Takeo Ichi, un artiste à découvrir. Je vous en ai presque déjà parlé quand nous avons traité le problème des chansons tyroliennes, et pour lequel vous avez dit qu'il y avait un japonais qui yodelait. Voilà. Alors, place au zouk. Jess Nathalie est originaire de la Martinique. Le public ne s'y est pas trompé. Il a découvert et reconnu cet artiste au charme certain, à la sensibilité évidente lors de ses interprétations et de ses prestations scéniques. Anza Palebao, Jessie Nathalie. Bien, nous voici au Japon. Japon, un pays insulaire de l'Asie de l'Est, situé entre l'océan Pacifique et la mer du Japon. Les pays voisins sont la Russie, la Corée du Nord puis la Corée du Sud, et la Chine n'est pas très loin. Le Japon forme un archipel de 6852 îles, et la plupart de ces îles sont montagneuses et parfois volcaniques. Bon, les villes les plus importantes sont Tokyo, avec 13 millions d'habitants, dans la plus grande agglomération du monde, 33 millions d'habitants. Ben oui, c'est l'agglomération de Tokyo. Et puis bon, des villes importantes, Yokohama, 3,6 millions, et Osaka, 2,6 millions, que l'on connaît bien. C'est la troisième puissance économique du monde, mais avec le taux de natalité le plus bas. Et c'est également le pays pour lequel le poids de la dette publique est le plus important du monde. Et puis bon, on n'oubliera pas, à la suite d'un séisme et d'un tsunami, l'accident nucléaire de Fukushima en 2011 est la plus grave catastrophe nucléaire du 21e siècle. Voilà, place à Takeuchi, ben c'est un yodeleur japonais. Il est né en 1947, et puis passionné de sitar et de hamred dulcimer, ben ça c'est un instrument de musique à cordes frappées. Ben, il a appris la tyrolienne en écoutant les disques de Franz Lang. Franz Lang, c'est le champion de la tyrolienne en Allemagne. Et il a commencé à se produire à la télévision japonaise. In Yokohama, Takeuchi. Es war in Yokohama, da hab ich eine blonde Maid gesehen. Sie trug ein buntes Dirndl, was Schöneres hatte ich noch nie gesehen. Sie kam bestimmt aus Bayern oder aus Österreich. Mein Herz, das pochte gleich wie wild, die Knie wurden weich. Es war in Yokohama, da hab ich mich in sie verliebt. Ich hätte vorher nie gedacht, dass es so was Liebes gibt. Hoch drauf am Fujiyama hab ich gespürt, was wahre Liebe ist. Wir sahen in die Ferne und fühlten uns so frei. Um uns versank die ganze Welt, es gab nur noch uns zwei. Am stolzen Fujiyama begann das Leben für uns neu. Ein Wunder wurde für uns wahr, wir blieben uns für immer treu. Sie trug ein buntes Dirndl, was Schöneres hatte ich noch nie gesehen. Sie kam bestimmt aus Bayern oder aus Österreich. Mein Herz, das pochte gleich wie wild, die Knie wurden weich. Es war in sie verliebt. Ich hätte vorher nie gedacht, dass es sowas Liebes gibt. Eh, c'est pas trop japonais tout ça, hein? Ben oui, j'étais tellement pressé de vous envoyer Takeo Ichi que j'en ai oublié de vous envoyer la chanson japonaise. Et pourtant, je m'en suis vu, je vous assure, pour trouver des chansons japonaises. Chanter en japonais, eh bien, c'est pas évident, parce que malheureusement, eux, ils se sont fait complètement bouffer. Pratiquement toutes les variétés japonaises sont maintenant en américain. Allez, Kitaguni no Haru. Balade autour du mot cerisier, c'est une chanson de 1973 de Richard Anthony et c'est une chanson qui avait été reprise 2 ans plus tard par Sacha Distel. C'est amusant d'ailleurs. Alors Sacha Distel, lui, il attache un ruban à un balcon alors que Richard Anthony attache le même ruban autour d'un cerisier. Attache un ruban autour du cerisier, Richard Anthony. Je t'ai dit dans ma lettre que je reviendrai un soir, comme celui où je t'ai dit avant mon départ, avant mon départ. Oh, attache un ruban autour du cerisier, si tu m'aimes encore quand je reviendrai. Si je ne vois pas de ruban au cerisier, c'est que tu auras trouvé mieux que moi durant ces années. Oh, attache un ruban autour du cerisier. Je me vois descendant du car, cherchant le ruban jaune du regard, me disant que peut-être s'il n'y a pas de ruban, c'est la faute au voleur de nid, c'est la faute du vent, la faute du vent. Oh, attache un ruban autour du cerisier, si tu m'aimes encore quand je reviendrai, si tu mets un ruban autour du cerisier, tu trouves un mari, un arbre et un nid. Adieu liberté, si tu mets un ruban autour du cerisier. Je pose mes valises, tu ne m'as pas oublié. Des villes denses au Japon, des palais impériaux, des parcs naturels de montagne, ainsi que des milliers de temples et de sanctuaires. Oh, bien sûr, on se rendra au mémorial en hommage aux victimes des bombardements de Hiroshima et Nagasaki, dont le nombre de ces victimes pourrait être estimé à 250 000 morts. Enfin, c'est toujours très difficile de compter tout ça. Par ailleurs, Tokyo est réputée pour ses gratte-ciel, ses magasins et sa culture populaire. Au débat sur une île artificielle dans la baie de Tokyo, déborde de bars à sushi installés au bord de mer. Puis on se rendra au Sansuji, qui est le plus vieux temple bouddhiste de Tokyo. Tokyo Sky Tree, on peut traduire l'arbre du ciel, est la plus haute antenne de radiodiffusion du monde, avec une hauteur de 634 mètres. Et à Kokyo, on pourra visiter la résidence principale de l'empereur, ainsi que ses jardins pittoresques. Kyoto est l'ancienne capitale du Japon, présente de nombreux temples bouddhistes, des jardins, des palais impériaux, des sanctuaires shinto, des maisons en bois, et puis le quartier des geishas qui propose des prestations de divertissement. Oh, allez, je vais revenir sur les geishas. Oui. Une geisha au Japon, ben c'est une artiste et une dame de compagnie qui consacre sa vie à la pratique artistique raffinée des arts traditionnels japonais pour des prestations d'accompagnement et de divertissement pour une clientèle très aisée. Ah oui, c'est pas tout à fait l'idée qu'on s'en fait. L'habillement en kimono, la musique classique, la danse, les rapports sociaux et la conversation. Ah oui, ce sont ces domaines de prédilection. Et le mot geisha peut s'interpréter comme femme qui excelle dans le métier de l'art. Alors, c'est pas donné, hein, les services d'une geisha. Si vous voulez faire une photo avec une geisha, ben, il vous en coûtera un pourboire. De 50 à 75 euros. Donnez pas moins, ça serait une insulte. Et puis, il vous en coûtera environ 500 euros pour une prestation de 2 heures lors d'un banquet. Ah oui, on a des idées reçues quelquefois, n'est-ce pas? Au Japon toujours. Hakone, c'est une ville de montagne, dans le parc naturel du Fuji, avec ses sources d'eau chaude soufrée et ses expositions prestigieuses d'art et celles de Rodin, Picasso, Renoir et Matisse y sont très présentes. Allez, chanson japonaise en japonais. Deuxième coup de chapeau à notre ami Takeo Ichii. C'est au cours d'une semaine d'études en Suisse qu'il chante à Zurich dans une auberge. Et cette activité commence à lui rapporter un peu d'argent. Elle finit par jouer devant son idole Franz Lang, qui le prit sur son aile. Après de nombreux passages à la télévision, il est devenu le Jodler japonais Sayonara, Liebe Clara, Takeo Ichii. Die Abende sind ganz schön fad im Teehaus. Um diese Zeit, da ist die Luft ja raus. Und noch dazu ist es so furchtbar heiß hier. Jetzt wer hat recht, ein schönes, kaltes Weißbier. Sayonara, liebe Clara, und ein voller Radio aus Deutschland. vermiss dich, ich hab Sehnsucht und der Rückflug ist auch schon gebucht. Jola, grad Honig. Nur dauernd Unterhaltungselektronik. Dass du nicht da bist, ist ein echtes Drama. Da nützt mir weder Zen noch Fujiyama. Auch schon gebucht. Ja, ja, ja, ja, ganz einsam ess ich meinen Reis mit Stäbchen und sehne mich so sehr nach meinem Mädchen. Ich es schon gar nicht mehr erwarten, zu dir zurück ins große Glück zu starten. Sayonara, liebe Clara, auf ein voller Radio aus Tokio. Ich vermiss dich, ich hab Sehnsucht und der Rückflug ist auch schon gebucht. Balade autour du mot cerisier. Oh, j'ai souvent pensé, c'est loin la vieillesse, mais tout doucement la vieillesse vient, petit à petit et par délicatesse, pour ne pas froisser le vieux musicien. Parfois, je la vois gagner du terrain. Les cerisiers, Isabelle Aubré. J'ai souvent pensé, c'est loin la vieillesse, mais tout doucement la vieillesse vient, petit à petit, par délicatesse. Parfois je la vois gagner du terrain. Certains sont frileux quand le jour décline, mais moi j'ai gardé tout au fond du cœur ce dont je rêvais quand j'étais gamine et qui m'a toujours fait croire au bonheur. Hein, qu'il vienne au moins le temps des cerises, avant de claquer sur mon tambourin, avant que j'aie dû boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train. Bien sûr, on dira que c'est des sottises, que mon utopie n'est plus de saison, que d'autres ont chanté le temps des cerises et qu'ils ont depuis changé d'opinion. Moi, si j'ai connu des années funestes et mes cerisiers des printemps pourris, je n'ai pas voulu retourner ma veste ni me réfugier dans un monde aigri. C'est dans le dernier train. Au lieu d'accepter la nuit qui s'approche, je veux fredonner cette chanson-là que j'aimais déjà quand j'étais gavroche, quand je traversais le temps des lilas, que d'autres que moi chantent pour des prunes. Moi je resterai fidèle à l'esprit qu'on a vu paraître avec la commune et qui souffle encore au cœur de Paris. Place au Zouk maintenant, et nous saluons l'arrivée de Charline et de Maxime au studio. Merci d'être venus. Peut-être vont-ils même danser le Zouk, j'en sais rien moi. Doté d'une très grande sensibilité, le prochain chanteur ne supporte pas l'hypocrisie. Ah non, il n'aime pas. Les faux amis, la jalousie, l'injustice et les prétentieux. Et cela revient très souvent dans le thème de ses chansons. Tapsido, Jean-Michel Carbetti. Un verre Tapsido au moins. Tapsido, un verre Tapsido au moins. Oh Tapsido. Un verre Tapsido au moins. Oh Tapsido au moins. Un verre Tapsido au moins. Tapsido, confiance moi t'es née. On pas imaginé ça où t'es fait moi. Pas jamais ni méfiance. Les venez pour check moi. Les moi venez. Découvert trahison. Ou fait moi sentir un grand boulet. En pas tes quatre, en pas tes besoins ailleurs. M'en toujours estimé. Que m'en te peux compter sur vous. Avec un tap si doux en moi. Ou gâcher l'amitié. que j'ai changé ailleurs. Changé ailleurs. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Tapsido. Avec un tapsido en main. Tapsido, tapsido. Avec un tapsido en main. On tape ou pas moi. Avec un tapsido en main. Tapsido, tapsido. Où rive dépouiller moi. Où rive mal parler moi. Avec un tapsido en main. Tapsido, tapsido. Une petite fin, Yves. C'est la question traditionnelle que je pose à Yves tous les 15 jours dans Patchwork, car il est temps maintenant d'aller voir ce qu'on peut manger au Japon. Alors, tout d'abord au Japon, manger, ça fait partie intégrante de la culture. Trois éléments, on va même dire quatre, ont été empruntés à la Chine, le riz, le thé, le soja, et puis les nouilles ont aussi beaucoup de succès. Le bœuf de Kobe. Ah ! Vous connaissez le bœuf de Kobe ? C'est très bon, mais c'est très cher aussi. Le bœuf de Kobe, extrêmement délicat, très réputé pour sa tendreté, servi en une sorte de fondue où on trempe la viande dans des sauces variées, attesté au moins une fois dans sa vie, même si c'est très cher. Le record du prix du hamburger avec la viande de Kobe est détenu par un chef alsacien qui s'appelle Keller aux États-Unis, et il a réussi à vendre son hamburger avec de la viande de Kobe. Il y a de la truffe, il y a aussi autre chose. Il y a peut-être un peu de foie gras quand même, ne les ignorons pas. Il l'a vendu l'équivalent de 3 500 € l'hamburger. Bon, il n'a pas été radin, il n'a pas été chien. Il a offert une bouteille de Petrus 1990 avec. Mais enfin, ça fait cher, hein. Ça fait cher le hamburger. Alors, les sushis ou les sashimi, petits canapés de riz vinaigrés recouverts de poisson cru ou de légumes enrobés d'une feuille d'algue séchée. L'anguille, moi j'aime pas tellement ça, mais enfin. L'anguille très légèrement cuite et accommodée de sauce soja et de wasabi, le lumaki. Et puis, le lumaki, c'est une omelette fourrée à l'anguille. Le thon rouge, oh, les Japonais en sont particulièrement friands et en sont les plus gros pays consommateurs du monde. Le sukiyaki est le plat national. Bon, c'est une sorte de pot-au-feu. On plonge des morceaux de viande, alors ça peut être du bœuf, du porc, du poulet, dans un fond de sauce assaisonnée, puis on les trempe dans un jaune d'œuf battu. Vous essayerez ça. Hein. L'okonomiyaki, je suis arrivé, est une sorte de crêpe à base de chou blanc, accompagnée de divers ingrédients, dont bœuf, fruits de mer, légumes, le tout découpé en petits morceaux, et cuit sur une plaque chauffante. Et puis, on citera également les fleurs de chrysanthème dont on consomme les feuilles au cours du menu du Nouvel An. C'est une tradition. Enfin, on n'oubliera pas le Beaujolais pif, le Beaujolais nouveau, dont l'arrivée au Japon est un véritable événement. Voilà, une chanson en japonais encore. Shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine Troisième coup de chapeau à Takeo Ichii. Alors, Takeo Ichii, il a rencontré son épouse Henriette, et 3 ans plus tard, il lui a fait sa demande de mariage sous forme de tyrolienne dans un onsen du Japon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un onsen ? Ben, c'est un bain thermal, généralement chaud, alimenté par des eaux de source volcanique, des eaux parfois réputées pour leurs propriétés thérapeutiques. Et attention, au onsen, on n'y va pas comme ça, la nudité est de rigueur. D'accord ? Alors, avec Henriette, ils se sont mariés et ils vivent désormais dans un village de Bavière avec leurs 5 enfants, la chanson phare de Takeo Ichii, New Baby Indol. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, all the way from Tokyo, Japan, the Yodelmeister, Mr. Takeo Ichii. Weil ich bin auf Bäume aufgegangen, hab mal wohl mein Bibi-Händel fahren. Geh, mein Bibi-Händel, geh, Bibi, geh, mein Bibi-Händel, ja, so wie. Place à la balade, retour à la balade autour du cerisier. Angelo Branduardi est un auteur-compositeur-interprète italien, ce qui ne l'empêche pas de chanter, entre autres, en français quand il est en France. Merci, monsieur Angelo Branduardi, de cette délicatesse. Ses musiques sont largement inspirées des musiques du monde, ainsi que des œuvres médiévales et baroques. Il doit écouter Patchwork. Musicien sans concession, il a souvent fui le devant de la scène pour écrire des musiques de films ou enregistrer de la musique ancienne. Éternel amateur, il est présenté comme l'un des derniers troubadours, le cerisier Angelo Branduardi. Thank you. monde avec moi qu'à la dernière fleur. Avec moi, et tous les jardiniers comprendront avec moi qu'on ne renonce pas quand l'hiver est déjà là. L'été la plus belle de la terre et des bois, et entre les cerises, mon cœur battait sans foi. Mon cerisier fidèle se couvrit de rameaux. Un jour, ma toute belle me réclama ses fruits. Il me faut quelques cerises, car l'enfant viendra bientôt. Je la voyais sourire, plus belle que jamais. Dans mon être, que la rage montait, demande donc des cerises au père de ton bébé. Silencieuse et souriante, elle me tourna le dos, puis marcha vers les arbres, comme on se jette à l'eau. C'était ma dernière fleur, et l'hiver venait. C'est sa branche maîtresse que l'arbre agenouilla. Ainsi le père avec tendresse la mère contenta. Ainsi le père avec tendresse la mère contenta. C'est sa branche maîtresse que l'arbre agenouilla. Ainsi le père avec tendresse la mère contenta. Ainsi le père avec tendresse la mère contenta. J'étais vieux et sans force pour la prendre avec moi, et tous les jardiniers comprendront avec moi qu'à la dernière fleur on ne renonce pas. Rapporté d'un voyage au Japon. Bon, alors d'abord, dans notre voyage, on évitera Fukushima, hein. c'est pas la peine d'aller s'exposer. Alors, on pourra ramener un vrai kimono, mais alors ça coûte cher. Hein. Ou alors un kimono léger en coton, ça fera l'affaire, avec des sandales en bois, pour être discret quand on marche. Dans de très nombreux magasins, 100 yen shops, c'est comme ça que ça s'appelle, on trouvera des babioles et des bibelots pas chers et pour tous les goûts. Et on compte bien sur Yves, qui va aller faire son voyage au Japon, de nous rapporter tout ça, ne serait-ce que pour nous faire voir qu'il y est allé. Dans les pâtisseries traditionnelles, on se laissera tenter par des sets de nasambon. Ce sont des petits sucres colorés en forme d'animaux. Des biscuits et bonbons aux goûts insolites, des Kit Kat à la patate douce, des bonbons à la limonade et du chewing-gum moussant. Des objets votifs aussi porte-bonheur, ah oui, on aime bien ça. Alcool, alors là, on prendra du saké. Ce qu'il faudra éviter surtout, ce sont les alcools à base de serpents. Eh oui, ce sont très souvent des pièges à touristes, pièges à cons. On pourra rapporter du thé vert, des couteaux de cuisine, on aime bien ça au Japon, les objets de décoration, poupées traditionnelles, un daruma qui réalise les vœux, ou encore les chats qui apportent la fortune. Enfin, n'oubliez pas les porcelaines renommées et les jolies serviettes en coton, chanson japonaise.